le 6-9 de l'été sur France Inter. L'heure du feuilleton musical qui réveille vos matins d'été. Le 16 août prochain marquera les 40 ans de la mort d'Elvis Presley. Et à cette occasion, France Inter retrace la légende du King avec Magic Elvis, le feuilleton des radios francophones publiques. Ce matin, le mariage de Priscilla et Elvis. Le 1er mai 1967, soit 8 ans après leur rencontre, Elvis et Priscilla décident d'officialiser leur union. Quand une star de la dimension d'Elvis Presley se marie, cela nécessite quelques précautions. La cérémonie se déroule à Las Vegas et pour éviter l'émeute, Elvis décide de garder l'information secrète et de brouiller les pistes. Joe Esposito a eu l'enviable honneur d'être le témoin de mariage d'Elvis et il nous raconte ce jour très spécial. Well, I was very honored. J'ai été très honoré qu'Elvis me demande d'être l'un de ses témoins avec Marty Baker. Avec le colonel Parker, on a amené la famille et les amis à Palm Springs, en Californie, où Elvis avait une maison. Les reporters sont donc tous allés là-bas et les gens tournaient autour de la maison en se demandant bien ce qui allait se passer. Tard dans la nuit, on est parti discrètement pour l'aéroport. On a pris le jet de Frank Sinatra. Et on est arrivé à Las Vegas. On s'est reposé un peu. Et le lendemain, on s'est préparé pour la cérémonie. Certaines personnes ont été très fâchées de ne pas pouvoir assister à la cérémonie, alors qu'ils avaient été invités. Et il y avait de quoi être fâché, puisque de tous les invités qui avaient fait le déplacement, seules 14 personnes se sont retrouvées dans la petite pièce de l'hôtel Aladdin pour assister à l'événement. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'est réuni dans un grand salon avec cette fois-ci l'ensemble des invités. Elvis semblait très heureux d'avoir épousé cette jeune fille qu'il avait connue alors qu'elle n'avait que 14 ans. Une fois marié, Elvis n'était pas nerveux du tout. Priscilla était beaucoup plus tendue que lui. Lui, il se sentait bien, il a même fait des interviews avec quelques journalistes. Lui, très souriant, elle, très belle, ils formaient un beau couple. Ensuite, on est reparti pour Palm Springs, dans la maison. On a fait un grand repas de mariage et une belle fête. Nous sommes restés encore quelques temps à Palm Springs avant de rentrer sur Memphis. En voyant Priscilla stressée mais rayonnante, beaucoup de gens ont dit qu'elle ressemblait incroyablement à Gladys, la mère d'Elvis, disparue en 58. Il aimait les brunes, comme l'était sa maman, avec de beaux yeux. Priscilla lui rappelait sa mère. Il voulait quelqu'un qui soit près de lui, qui puisse s'occuper des enfants, qui soit une femme de maison. C'est pour ça qu'il voulait quelqu'un de jeune. Mais il ne savait pas que Priscilla avait 14 ans quand il l'a rencontrée. Elle faisait plus âgée. Elvis et Priscilla Presley restèrent unis jusqu'en octobre 1973, date d'un divorce qui, selon beaucoup de témoins que je croise à Memphis, va précipiter le King dans l'abus de médicaments et la déchéance. When I walk through that door, baby, be polite. You gonna make me so. If you don't greet me right, don't you ever kiss me once, kiss me twice. Treat me nice. I know that you've been told, it's not fair to tease. So if you come on cold, I'm really gonna freeze. If you don't want me to be cold as ice, treat me nice. Make me feel at home. if you really care. Scratch my back and run your pretty fingers through my hair. But I want to be your slave if you ask me to. But if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, then take my advice. Really nice. Make me feel at home. If you really care, scratch my back and run your pretty fingers through my hair. Magic Elvis, une série signée Philippe Robin, initialement diffusée en 2007 et retrouvée tous les matins sur France Inter.